Chant numéro 18. Il existe en enfer un lieu dit Male Fosse, composé de rochers de la couleur du fer, comme le cercle entier qui l'étreint alentour. Tout à fait au milieu de cette triste plaine s'ouvre un trou, comme un puits très large et très profond, dont je dois dire ailleurs l'état et l'ordonnance. Une assez large enceinte entoure tout ce site, entre le bord du puits et le pied de la roche, et son fond se divise en 10 girons distincts. Comme l'on voit parfois certaines forteresses qui, pour mieux protéger leurs murailles, s'entourent de multiples fossés qui forment leur ceinture, tel est aussi l'aspect des girons de là-bas. Et tout comme l'on voit le pont d'un château fort qui s'élance du seuil jusqu'au bord de l'escarpe, tel se lançait là-bas du port du précipice des rochers, qui, coupant les talus et les fosses, formaient autant de ponts se rejoignant au puits. Ce fut dans cet endroit que nous nous retrouvâmes, en débarquant du dos de Gérion. Mon guide prit tout de suite à gauche, et je suivis ses pas. J'aperçus à ma droite de nouveaux châtiments, et de nouveaux tourments, et de nouveaux bourreaux qui remplissaient d'horreur cette nouvelle fosse. Tous les pêcheurs d'en bas étaient nus. Ils marchaient en deçà du milieu, comme à notre rencontre, et les autres vers eux, mais d'un pas plus pressé. C'est ainsi que dans Rome, en raison de la presse pendant le jubilé, fut établi cet ordre suivant lequel les gens doivent passer le pont, si bien que d'un côté, les passants aperçoivent devant eux le château, comme ils vont vers Saint-Pierre, et les autres s'en vont tourner vers la montagne. Sur les mornes rochers, on voyait par endroits certains démons cornus et armés de fouets qui frappaient durement les ombres par derrière. Comme ils les font jouer sans cesse des talons du premier coup, si bien qu'aucune n'attend plus que le second coup pleuve, et bien moins le troisième. En cheminant ainsi, mon regard s'arrêta sur l'un d'eux, et je dis aussitôt à moi-même, « Cette figure-là n'est certes pas nouvelle. » Je suspendis mes pas pour mieux le reconnaître. Mon doux guide, à son tour, s'arrêta pour m'attendre, me laissant revenir quelques pas en arrière. Ce flagellé pensait passer sans qu'on le vît, car il baissait les yeux. Mais cela n'y fit rien, car je lui dis, « Ô toi, qui regardes à terre, si quelque faux semblant ne trompe pas mes sens, n'es-tu pas Venedic Caccianemico? Qui donc t'a préparé des sauces si piquantes ?» Il dit, « De te parler, je n'avais nulle envie, mais j'y suis obligé par ton langage clair, qui me fait souvenir du monde d'autrefois. » C'est à cause de moi que Guisolabella se montra complaisante au désir du marquis, malgré tout ce qu'en dit la honteuse nouvelle. Je ne suis pas le seul qui pleure en bolognais, car cette place en est tellement surpeuplée qu'on ne saurait trouver, de Savène à Reno, de gens disant six pas des foules aussi grandes. Si tu veux en savoir la preuve ou la raison, rappelle à ton esprit notre amour de l'argent. » Je rejoignis alors celui qui me menait, et quelques pas plus loin, nous vîmes devant nous un roc qui s'avançait, surplombant le ravin. Nous gravîmes ses flancs assez facilement, et, ayant pris ensuite à droite sur sa crête, nous tournâmes le dos à ses rondes sans fin. Arrivés à l'endroit où le pont fait un creux pour laisser redonner un passage au-dessous, mon escorte me dit, « Arrête-toi pour voir de face le semblant des enfants de malheur, dont tu n'avais pas pu rencontrer le regard, car leur direction était aussi la nôtre. » Du haut de ce vieux pont, nous regardions la file qui, de l'autre côté, venait à notre rencontre, poussée également par la peur du fouet. Avant que j'eusse pu lui parler, le bon maître me dit, « Regarde donc ce grand-là qui s'en vient sans une larme à l'œil, malgré ce qu'il ressent. » Vois comme son maintien reste toujours royal. C'est Jason. Son courage ainsi que son astuce avaient privé Colchos de sa belle toison. Ensuite, il vint passer par l'île de Lemnos, dont les femmes, au cœur aussi cruel que brave, avaient déjà donné la mort à tous leurs hommes. Là, par son bel aspect, par ses discours fleuris, il séduisit bientôt la trop jeune Hypsiphile, qui pourtant avait su tromper toutes les autres. Il l'a laissée ensuite, enceinte et esselée. C'est ce qui fait qu'il souffre ici bas ce tourment qui venge en même temps l'abandon de Médée. Ceux qui vont près de lui faisaient les mêmes crimes. C'est tout ce que tu dois savoir sur ce giron, ainsi que sur les gens qu'il presse dans ses flancs. Nous parvînmes au point où cet étroit sentier commence à traverser le deuxième talus et fait de celui-ci le départ d'une autre arche. Nous entendîmes là des gens qui gémissaient au fond de l'autre fosse et bouffaient bruyamment en se donnant tout seuls des coups avec les mains. Les bords étaient poisseux comme de moisissures, du souffle qui montait d'en bas et s'y collait, irritant le regard autant que les narines. Le fond se trouve loin, et l'œil n'arrive pas à bien le distinguer, si ce n'est sur le dos de l'arc, où le rocher surplombe davantage. Me plaçant au milieu, je vis dans ce fossé des tas d'hommes plongeant dans une saleté telle qu'elle semblait sortir de nos latrines. Examinant ainsi de l'œil ses profondeurs, j'en vois un dont la tête est si pleine de merde qu'on ne peut distinguer s'il est clair ou bien laid. Il se mit à crier. D'où te vient l'insolence de me regarder, moi, plus que d'autres bruneux? C'est que, lui dis-je alors, si ma mémoire est bonne, j'ai dû te voir ailleurs, mais les cheveux plus secs. Tu fus Alessio in termini de Luc, c'est pourquoi mes yeux vont vers toi plus que vers d'autres. Il dit, en se tapant rudement la caboche. Tu vois où m'ont conduit les basses flatteries que je portais toujours sur le bout de la langue. À quelques pas de là, mon maître dit. Approche et tâche de pousser ton regard plus au fond, car je veux que tes yeux découvrent la figure de cette vieille carne, immonde et débraillée, qui d'un ongle merdeux se gratouille tantôt, tantôt après se couche ou se remet debout. C'est Thaïs, la putain, celle qui répondit quand son amant lui dit « Est-ce que mon cadeau eut l'heure d'être à ton goût ?»« Oui, merveilleusement. » Si tu vois celle-ci, nous aurons assez vu.